La corporation Osisko veut exproprier le dernier citoyen du quartier maintenant relocalisé. Oui, à Malartic. Peut-être avez-vous déjà entendu le reportage de ma consoeur de travail, non pas Jessica Lheureux, mais plutôt Sandra Ataman, qui nous disait que la minière s'est déjà adressée au ministère des Ressources naturelles et de la Faune à ce sujet-là. Ken Massé occupe la maison de sa mère, la seule à ne pas avoir été relocalisée par Osisko. Bientôt, l'avancement des travaux de Osisko nécessitera l'expropriation. C'est ce que disaient hier les dirigeants de la minière. Ken Massé, lui, est au bout du fil. Monsieur Massé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Massé, cette maison, là, en plein milieu de d'un chantier, vous l'habitez toujours, dites-nous? Oui, je l'habite toujours. Elle appartient à votre mère et c'est vous qui, tout au long, avez négocié avec Osisko, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Elle appartient à ma mère. Puis c'est moi qui négociais pour ma mère. J'ai un mandat pour négocier pour elle, pour défendre nos droits de propriété, nos droits constitutionnels. Mm-hmm. C'est la maison familiale. J'ai grandi ici. J'ai vécu dans le quartier depuis que je suis tout jeune. Puis j'habite encore ici. Je trouve intéressant que vous disiez, je viens de vous entendre dire, là, j'ai un mandat pour défendre nos droits et nos droits constitutionnels. Sur quelle base vous utilisez le mot constitutionnel, dites-nous? Ben, c'est dans les chartes nationales et internationales. L'article 17 de la Déclaration universelle des droits et libertés qui dit qu'on a droit à propriété puis que nul peut être dépossédé de sa propriété. Et en même temps, il y a quelque chose dans la loi des mines qui dit que s'il n'y a pas d'entente entre gré à gré, une minière avec l'accord d'un gouvernement peut exproprier quelqu'un, c'est ça? Ben, en ce moment, ils ont fait la demande pour avoir le droit d'aller en expropriation auprès du ministre. Puis nous, le ministre, va prendre sa décision là-dessus, mais nous, on va constater, on va, voyons le mot, là. On va le vous allez le contester, c'est ouais, ce que vous voulez nous dire. On va le revendiquer, c'est ça. Est-ce que pour vous, en ce moment, là, on est au cœur d'une bataille? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Ben, c'est sûr, ça l'est d'une façon, là. Puis d'une autre façon, mais moi, nous, on est chez nous, puis on est bien chez nous, puis on a ce droit-là, puis on veut garder notre droit. Eux, c'est une multinationale qui arrive ici, qui veut venir chercher notre coffre-fort, puis c'est à nous à défendre notre coffre-fort, avoir des justes valeurs, des redevances convenables qui viennent à tout le monde là-dessus. Autant à la région qu'à la municipalité, puis des droits de surface. Ça prouve un petit peu que les droits de surface ont été importants ici, même s'ils disaient que ça ne l'était pas. Oui. Fait que chaque personne qui vivait ici avait un droit de surface qui valait de quoi, puis qui en ce moment, ben, il va avoir un recours collectif contre la minière et les organismes qui ont été impliqués dans le dossier. Un recours collectif, ça c'est vous qui voulez le monter, ce recours collectif-là? Hein? C'est bien ça. Mm-hmm. Moi, SGA International. Qu'est-ce que c'est, SGA International? Société de gestion administrative internationale. Ouais. Eux travaillent pour le développement industriel et tout, là. Puis c'est sûr, on a un recours collectif pour les droits des citoyens qui ont été indemnisés ici. Mais là, présentement, SGA International et ce futur recours collectif n'ont rien à voir, corrigez-moi si je me trompe, avec ce qui se passe actuellement entre la minière et vous qui demeurez en place, c'est ça? Ben oui, ça l'est un petit peu parce que c'est les droits de propriété de moi, de nous, ma famille, et de chacun qui était ici qui avait les mêmes droits de propriété. Ouais. Fait que le recours collectif est pour ces indemnisations-là de qu'est-ce qu'on a eu à vivre, le drillage, les déménagements de maisons, les affaires que le monde a vécues dans le nouveau quartier ou ceux qui ne voulaient pas vivre tout ça, tout simplement. Ouais. Fait qu'ils vont avoir un recours collectif de 250 millions. Là, on est en train de comprendre que vous le faites vraiment pour vos droits, c'est ce que vous nous dites. Ouais. Les autres, c'est-à-dire 204 familles qui ont été délocalisées, ou enfin relocalisées, ont obtenu des ententes avec Osisko, c'est-à-dire la compagnie leur a donné un prix là pour leur maison. Si vous êtes exproprié, il faut dire adieu à ce prix-là. Ça ne vous dérange pas? Ben, ça, c'est eux. Eux sont allés devant de cette façon-là, mais ça veut pas dire qu'ils ont tous été à l'aise dans cette façon-là. Fait que, tu sais, il y a eu bien des dossiers avec des irrégularités, puis c'est ça qui va être à vérifier. Dites-nous, M. Massé, est-ce que vous êtes, vous, en ce moment, là, alors que c'est en train de se décider à Québec, parce que faut savoir que la minière a fait cette demande d'expropriation au mois de février, est-ce que vous êtes en contact avec le ministère? Est-ce que le ministère vous a parlé de quelque façon que ce soit depuis que Osisko a logé sa demande? Non, le ministère, non. Mais je sais en ce moment que, parce que nous, on avait déposé une mise en tutelle à Ville-de-Martic le 14 décembre dernier. Puis là, ben ça, il étudie ça. Puis ça a été, je pense, cédé à un bureau à Rouen pour regarder ça, pour trouver une façon de probablement passer à côté de la mise en tutelle. Mais nous, il y a eu une mise en tutelle qui a été faite au ministère des Affaires municipales contre les ajustements de la municipalité dans les démarches avec le dossier minier. Puis il y a aussi une plainte aux autorités des marchés financiers concernant les ajustements de la corporation minière. Et vous n'êtes toujours pas en discussion avec Osisko, là. On peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il n'y a pas du tout de négociation entre vous et la compagnie Osisko, c'est ça? Non, en ce moment, il n'y en a pas. Alors, l'avenir va nous dire, va nous en dire davantage, monsieur. Je rappelle que votre nom, c'est Ken Massé. Vous êtes citoyen de Malartic. D'ailleurs, vous avez été échevin, donc conseiller municipal à Malartic, hein, je me trompe? Oui, j'ai été conseiller municipal pendant 7 mois et demi. Et jusqu'à nouvel ordre, ben là, vous êtes le seul, donc, à ne vous être pas prévalu d'une entente avec Osisko pour la relocalisation. Je vous remercie, monsieur Massé, de nous avoir parlé aujourd'hui. Bienvenue. Au revoir. Au revoir.